veux savoir tout sur mon passé. Pourquoi elle m'avait aimé? Comment elle m'avait apprivoisé? Et pourquoi elle savoir tout sur mon passé. Les surnoms qu'elle me donnait. Ce qui se passait le soir venu. Et comment c'était connu. Et moi je fous. Et prendre la vie comme elle vient, sans penser au destin. Ailleurs ou au lendemain. Tu voulais savoir tout sur mon passé. Et ces histoires gâchées. Tu voulais savoir tout sur mon passé. Et je ne voulais rien te raconter. De ces douleurs. Je vous